Donc on commence tout de suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue avec le cours 29 dans l'explication de Masail al-Jahiliya avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan, et on est arrivé aujourd'hui au point numéro 93 dans l'explication dans Masail al-Jahiliya. Le point dont on va parler maintenant, c'est iftikharuhum bi sana'ihim ala man dunahum fi dhalik. C'est-à-dire que les gens de la jahiliya, ils se vantent, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils se vantent au sujet de leur métier ou des choses qu'ils font comme métier, yani par rapport aux autres qui sont en dessous d'eux. Dans ce qu'ils font comme travail ou comme métier. Et le cheikh donc Mohammed ibn Abdul Wahhab, à ce sujet-là, il dit al-mas'alatu thaminatu wa tis'un al-iftikharu bis-sana'i' ka fi'li ahli ar-rihlatayn 'ala ahli al-harf. C'est-à-dire ils se vantent de leur métier ou de leur travail comme faisaient les gens qui, à l'époque, faisaient les deux voyages, c'est-à-dire, comme Allah il le mentionne dans le Coran, rihlat ash-shita wa as-sayf, c'était les commerçants qui partaient deux fois par année, une fois l'hiver et une fois l'été, ils partaient faire un voyage pour aller acheter des marchandises puis aller vendre. Donc ceux qui étaient ces gens-là, c'était les commerçants. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se vantait, hein, par rapport aux autres qui faisaient de l'agriculture. Donc il pensait ou il considérait que le commerce était quelque chose de mieux que l'agriculture. Donc il prenait de ça une fierté, puis il se pensait meilleur que ceux qui faisaient l'agriculture, puis il se vantait devant eux. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit al-iftikharu bis-sana'i. التاجر يفتخر بتجارته على الحرفي وعلى النجار وعلى الحداد والموظف يفتخر بوظيفته على من دونه من الموظفين المسلم لا يحتقر من هو دونه بل لا يحتقر الناس عموما فكيف يحتقر المسلم لأجل حرفهم وأنها دون حرفته هذا من أمور الجاهلية كما ذكر الله عن قريش في الرحلتين فالله سبحانه وتعالى أنعم على قريش بالرحلتين التجاريين أو التجاريتين رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام للتجارة فهم يفتخرون على الناس بأنهم أصحاب الرحلتين ويفتخرون على من دونهم من المزارعين وأهل الحرف. Donc le cheikh il dit que يعني ces gens-là dans la jahiliya ils se vantaient de leur travail. Donc le commerçant il se vantait par rapport à son commerce sur l'artisan et sur le charpentier et sur le al-haddad, c'est-à-dire le forgeron. Et donc il se sentait meilleur que ceux-là, hein? Il considérait que c'était quelque chose de mieux. Et de même qu'aujourd'hui on voit que l'employé qui a un employé de, un commis de bureau ou un employé dans un bureau, il se sent fier par rapport aux autres qui sont en dessous de lui dans leur travail ou dans leurs emplois. Donc le cheikh il dit que le musulman il ne doit pas mépriser ceux qui sont en dessous d'eux. Même que le musulman, il ne doit pas mépriser les hommes en général. Alors comment un musulman pourrait dans ce cas-là mépriser les autres musulmans à cause de leur métier ou à cause de leur travail ou des choses de ce genre, hein, soi-disant parce qu'ils auraient des métiers ou des travaux qui sont moins importants que le sien. Ça, c'est ce que faisaient les gens de la Jahiliya. Et ça fait partie des attitudes et des comportements des gens de la Jahiliya. On mentionne, dans le, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, il mentionne les deux voyages que font les gens de Quraysh. Dans le verset, li'ila fi Quraysh. Donc, il y a la mention de Rihlat al-Shita'i wa-Saif. Donc Allah mentionne ces gens-là en disant qu'ils faisaient deux voyages. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette grâce à Quraysh d'avoir ces deux voyages commerciaux, d'aller en hiver vers le Yémen et en été vers la Syrie pour faire du commerce. Donc ils faisaient deux voyages par année et ils considéraient que ça c'était quelque chose de bon, et il se vantait par rapport aux autres, et en même temps il dénigrait ceux qui faisaient autre chose qu'eux. Il se considérait meilleur que les autres à cause de ça, puis tous ceux qui faisaient pas ça, il les considérait comme étant inférieurs et il les méprisait. Donc le cheikh il dit ensuite donc tous les autres qui faisaient comme par exemple de l'agriculture ou les gens qui étaient artisans ou les gens qui s'occupaient du champ, des champs, des choses comme ça, ou qui avaient supposons qu'il y avait du bétail ou des choses comme ça, peut-être qu'ils les considéraient comme étant inférieurs à eux-mêmes. Ensuite le cheikh il dit wa min dhalika تنقصهم لمن حرفهم وصنائعهم ليست مثل حرفهم أو حرف أشرافهم كالحدادين والنجارين وهذه خصلة لا تزال موجودة في بعض الناس. Donc le cheikh il dit, donc ça comprend toute personne qui considère comme une fierté le travail qu'il fait ou l'emploi qu'il a par rapport à ceux qui sont en dessous de lui. L'être humain, il devient fier et orgueilleux par rapport à ça, et il dénigre les autres. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Peut-être même, parfois, on se demande si c'est pas plus. Des gens, par exemple, qui ont des emplois ou un travail qu'ils font, et ils se considèrent à cause de ce travail-là comme étant supérieur à tout le monde. Et il regarde tous les autres de haut, et il dénigre les gens qui sont en dessous de lui. Donc il regarde par exemple les gens comme si les médecins ou si les ingénieurs ou des choses comme ça, il a un poste qui est important, et puis en plus il fait beaucoup d'argent dans ce travail-là, donc il considère que tous les autres sont inférieurs à lui. Et il les regarde d'en haut. Donc ça fait partie des comportements et de l'attitude des gens de la Jahiliya. Et parmi les choses qui rentrent là-dedans aussi, il y a le fait que certains rabaissent les autres à cause de leur travail ou de leur métier ou des choses de ce genre, parce que le travail qu'ils font ne fait pas partie des travaux ou du travail ou des métiers que font les nobles parmi eux. Et on retrouve des exemples comme ceux, par exemple, qui sont des forgerons ou qui sont des charpentiers. Les gens les regardent et les dénigrent ou les méprisent dans certains pays musulmans parce que ces travaux-là, supposément, ne sont pas les travaux des nobles parmi les gens de ce pays. Et ça, c'est une caractéristique qui est toujours présente chez certains, dans certains pays. Et ça, je l'ai remarqué beaucoup dans les pays africains. Quand, par exemple, quelqu'un fait partie des forgerons, automatiquement, c'est une caste qu'il considère inférieure. Et souvent, c'est des métiers qui se font de génération en génération, de père en fils, et donc, ça reste. Et donc, les gens restent dans cette... Si quelqu'un, sa famille sont des forgerons, donc, ses enfants vont être des forgerons, puis ça continue comme ça de génération en génération. Puis, les gens qui sont plus nobles dans la société, eux, considèrent ce métier-là comme étant un métier bas, un métier méprisable. Et puis, ils regardent les gens de cette catégorie-là comme faisant partie d'une caste inférieure. Et la même chose pour les charpentiers. Et ça, on retrouve ça, par exemple, je l'ai vu au Tchad et aussi... Yani au Sénégal et dans d'autres pays également, dans les pays africains, beaucoup de choses comme ça. Puis il y en a aussi dans d'autres pays comme ça. Et je me souviens une fois, quelqu'un m'avait raconté une histoire justement quand une des tribus du Tchad qu'on appelle Quran, c'est une de leurs tribus là-bas dans le Tchad qui s'appelle Quran, il me disait, nous on n'a pas dans notre tribu de Haddadine, on n'a pas des Haddadine. Donc, en voulant dire, on n'a pas de forgerons parmi nous. Parce que pour eux, en me disant ça, pour montrer que ce sont des nobles, en voulant dire qu'ils n'ont pas des gens parmi eux qui font ce genre de métier méprisable pour eux. Donc, c'est des exemples de choses qui sont des caractéristiques de la jahiliya, de mépriser des gens à cause du travail qu'ils font. Donc, en principe, tant qu'un travail... et halal, il n'y a pas de raison de mépriser les gens qui le font. Et tout le monde ne peut pas faire le même travail. C'est important qu'il y ait des gens qui remplissent différentes tâches pour justement arriver à servir tout le monde et donner à tout le monde ce qu'ils ont besoin. Donc ensuite, le cheikh il dit « وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الَّذِينَ يَحْتَقِرُونَ أَئِمَّةَ الْمَسَاجِدِ وَالْمُؤَذِّنِينَ مع أن وظيفة الإمام هي أفضل الوظائف وهي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك وظيفة المؤذن فأشرف وظيفة هي وظيفة الإمام والمؤذن فهما أشرف من عمل الوزير وأشرف من جميع الأعمال. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que parmi cette catégorie, ou parmi qu'est-ce qui rentre dans ce chapitre, ou dans cet exemple, il y a les gens qui méprisent les imams de mosquée et les gens qui font l'adhan dans les mosquées. Ils considèrent que c'est quelque chose de méprisable. Il y a des gens, parmi les musulmans, Allah Musta'an, ils ont du mépris pour les imams. Ils les méprisent, ceux qui font ce rôle-là ou ce travail-là, et ils considèrent comme si en voulant dire que c'est quelque chose de bas. Et j'ai vu ça dans certaines cultures, yani pour eux, l'imam d'une mosquée, yani c'est pas quelque chose de vraiment respectable, dans le sens que c'est respectable pour eux, mais dans le sens que, en même temps, c'est quelque chose de bas. Pour eux, ils considèrent que les métiers modernes, c'est des choses plus valorisantes. Si par exemple leur fils devait dire à un de leurs enfants devait dire à son père, papa, je veux devenir imam dans une mosquée, probablement qu'il trouverait que ça c'est quelque chose de pas tellement valorisant. Tandis que s'il lui disait je veux devenir médecin ou quelque chose comme ça, il considérait ça comme étant quelque chose de mieux. Alors que le cheikh dit, alors que le métier d'imam, et le fait d'être un imam, et le fait d'être un muazzin, c'est quelque chose de noble. Et c'est quelque chose, c'est une des tâches les plus nobles à faire. Et il dit que c'est plus noble encore que le travail de ministre, hein, de tout autre travail. C'est le plus noble de tous les travaux d'être un imam. Hein, parce que c'est, comme il dit, c'est le métier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le travail du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également le azan, c'est un des plus nobles parmi les travaux que quelqu'un peut faire. Donc, quelqu'un par exemple qui regarde les imams de haut et qui les considère comme étant des gens bas ou des choses comme ça, ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris la valeur de qu'est-ce que ça peut représenter d'être un imam. Donc le point qu'on a fait là, c'est le point, j'avais dit 93 mais c'est 98. Al-mas'alatu thamina wa tis'un. Là maintenant on fait le point 99. التاسعة والتسعون نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب. Les gens de la jahiliya, ils regardent la dunya avec éblouissement. Ils sont éblouis et ils aiment la dunya et ils sont éblouis par la dunya. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Donc c'est-à-dire que la dunya, elle a une très très très grande importance pour eux dans leur cœur, comme lorsqu'ils disent par exemple dans le verset 31 dans sourate Az-Zukhruf, ils ont dit si seulement le Coran avait été révélé sur un des grands hommes, ou bien sur un des hommes des deux grandes villes. Sur un des hommes des deux grandes villes. Donc le cheikh explique qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu dire par ça. Le cheikh il dit min masa'il al-jahiliya 'azamatu ad-dunya fi nufusihim. Fal-ladhi 'indahu dunya huwa al-'aziz 'indahum. Wal-ladhi laysa 'indahu dunya dhalilun muhtaqarun 'indahum. Hatta fi ar-risala allati hiya min ikhtiyar Allah جل وعلا يرون أنها يجب أن تكون في الأغنياء ولا تكون في الفقراء ويقولون الله ما وجد إلا يتيم بني إسرائيل إلا يتيم بني إلا يتيم أبي طالب ليرسله يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل على هذا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين القريتان مكة والطائف وهذا الرجل هو الوليد بن المغيرة في مكة وحبيب بن عمرو الثقفي وقيل عروة بن مسعود عروة ابن مسعود في الطائف ويقولون لو كانت الرسالة في أحد هذين الرجلين لكان هذا أليق بالرسالة أما أن تذهب ليتيم فقير وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهذا غير لائق عندهم. Donc le cheikh il explique que parmi les caractéristiques des gens de la jahiliya et parmi les questions de la jahiliya, il y a que la dunya pour eux elle a une grande importance dans leur cœur. Donc celui parmi eux qui a beaucoup de dunya, qui a beaucoup d'argent puis beaucoup de pouvoir dans la dunya, c'est lui qui est important et qui est puissant dans la dunya. Et celui qui n'a rien, qui n'a pas d'argent et qui n'est pas important dans la dunya, alors c'est lui qui est méprisable pour eux. Hein, et même dans la prophétie, dans la révélation, que c'est Allah qui choisit, qui reçoit le message et qui devient prophète et qui devient messager. Même là-dedans, il voudrait que ce soit selon les caractéristiques ou les critères de ces gens-là, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils possèdent comme richesse dans la dunya. Donc il voudrait que les prophètes soient les riches et que ça soit pas les pauvres. Donc ils disent, est-ce que Allah n'a trouvé personne d'autre comme messager que l'orphelin de Abi Talib pour le choisir comme messager pour les hommes, en voulant dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un orphelin. Donc il mentionne le cheikh le verset 31 dans sourate Az-Zukhruf, hein, ils ont dit, c'est-à-dire les mushrikoun ont dit, si seulement il avait révélé si seulement ce Coran avait été révélé sur un homme parmi les deux grandes villes. Les deux villes en question, c'est Mecca et At-Ta'if, hein, la ville de Mecca et la ville de Ta'if. Les deux hommes en question, ou les hommes de ces deux grandes villes-là, c'est Al-Walid ibn al-Mughira à Mecca et Habib ibn Amr al-Thaqafi. Ou bien, certains ont dit que c'était Urwa ibn Mas'ud à Ta'if. Donc, ils disent, si la révélation avait été donnée à un de ces deux hommes-là, ça aurait été meilleur et plus profitable pour la révélation et pour le message, hein? Mais de le donner à un orphelin pauvre, hein? C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour eux ça c'est pas convenable, hein? Selon eux ça c'était pas convenable, comme si c'était eux qui devaient déterminer sur qui va descendre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, justement à la suite de ce verset là, le verset 32 dans sourate Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et le cheikh il le mentionne, il dit وَقَالَ تَعَالَى أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ أي يَتَدَخَّلُونَ فِي أَعْمَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَسِّمُوا رَحْمَةَ اللَّهِ وَلَا يَثِقُونَ بِقِسْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit, il mentionne ce verset 32 dans sourate Az-Zukhruf. Est-ce que c'est eux qui vont distribuer la miséricorde de ton Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent se mêler des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils veulent eux-mêmes distribuer la grâce et la miséricorde d'Allah? Ils n'ont pas confiance en la manière dont Allah distribue sa miséricorde, hein? Et il mentionne le verset 124 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah connaît mieux, ou Allah sait mieux là où il met son message. Hein, il connaît mieux l'endroit où il dépose son message. Donc, ces gens-là, ils jugeaient uniquement selon les critères et les caractéristiques de la dunya. Et ça me fait penser justement à une autre histoire. Lorsque Bani Israël, dans Surat Al-Baqarah, hein, vers la fin, on voit que Bani Israël demande un roi, hein, demande qu'on leur choisisse un roi. Et puis, ils veulent combattre, ils voulaient combattre, alors ils voulaient qu'on leur désigne un roi. Et lorsque on leur a désigné un roi, ils se sont plaints de ce roi-là en disant que celui qu'on avait choisi n'avait pas d'argent et il n'était pas parmi les riches. Donc, à cause de ça, ils se plaignaient de lui et ils considéraient que d'autres étaient plus méritants de cette position-là que lui. Et justement, on mentionne par la suite le reste de l'histoire, mais c'est juste pour dire que ces gens-là, ils considèrent toujours l'argent comme étant quelque chose qui fait en sorte que les gens soient privilégiés. Et encore aujourd'hui, hein, on voit que, par exemple, les koufars considèrent que c'est comme si on dirait parfois que pour les gens qui sont riches, c'est comme s'ils font partie d'une équipe. Et puis, ils pensent que tous ceux qui sont riches sont avec eux, puis ils méritent cette richesse-là. Et à cause de cette richesse qu'ils ont, ils méritent tout le bien de ce qui est dans ce monde, tandis que tous les autres, eux, ne méritent rien et ils ne font pas partie de cette catégorie-là ou de ce groupe-là qui mérite le bien dans ce monde. Et on a déjà parlé dans les points de la jahiliya précédents que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné de la richesse à quelqu'un, ça ne signifie pas nécessairement que ce soit un bien pour la personne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il donne à quelqu'un la richesse et c'est une punition pour cette personne, pour qu'elle, pour, parce qu'elle elle a refusé la vérité, et donc pour qu'elle s'enfonce encore plus dans son égarement et dans sa transgression, tandis que pour d'autres, la pauvreté, c'est une récompense et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, pour les protéger de beaucoup de choses qui sont mauvaises pour eux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la sagesse infinie. Et de toute façon, peu importe que ce soit la richesse ou la pauvreté, dans les deux cas, c'est une épreuve d'Allah, hein, et il faut faire preuve de, d'endurance et de patience. Hein. Donc, le cheikh, il mentionne ensuite comme point numéro 100, c'est le centième point dans Masail al-Jahiliya, al-istidrak wa al-iqtirah ala Allah, hein, de vouloir faire des, à Allah des suggestions ou bien d'essayer de corriger Allah subhanahu wa ta'ala dans les jugements qu'il fait, hein, de vouloir décider pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les, certaines choses. Ça, c'est l'attitude des gens de la jahiliya. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit à ce sujet-là, at-tahakkum 'ala Allah kama fil ayat as-sabiqah, hein, comme dans le verset précédent, ils essaient de décider ou de prendre des décisions pour Allah ou de juger, hein, à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit, at-tahakkum 'ala Allah يعني al-iqtirah 'ala Allah kama fil ayat, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كأن الله جل وعلا لا يعلم ما في نبيه من الصلاحية وهم يعرفون الصلاحية وهذا والعياذ بالله استدراك على الله كما قال كما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ويقترحون على الله ويقولون كيف يفرق الله القرآن وينزله منجما ولم ينزله جملة واحدة يتدخلون فيما لا يعنيهم وفيما لا علم لهم به. Donc le cheikh, il dit que de faire des jugements ou de juger à la place d'Allah ou d'essayer de décider pour Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils font des suggestions à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme si, comme dans le verset 31 dans surat Az-Zukhruf, si seulement ce Coran était descendu sur un des hommes des deux grandes villes, comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas que dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son messager, dans son prophète, il n'y avait pas les, Comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas qu'il y avait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toutes les caractéristiques nécessaires et toutes les aptitudes nécessaires pour transmettre la révélation correctement. Donc c'est comme si eux, ils connaissaient le, c'est comme si eux, les mushrikoun, ces gens-là, ils connaissaient le bien et que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne le connaissaient pas. Hein? Et donc ça, c'est, hein, a'udhu billah, c'est comme s'ils essaient de corriger Allah subhanahu wa ta'ala dans les décisions qu'il a prises. Donc c'est comme lorsqu'ils disent également dans le verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala les cite, hein, quand il disait, si seulement il avait fait descendre sur lui le Coran en une seule fois, hein, c'est-à-dire d'un seul coup, c'est-à-dire ils sont en train de suggérer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le fasse descendent d'un seul coup, et ils disent pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, ou comment Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce Coran en différentes parties ou selon les différentes situations. Donc ils disent pourquoi il ne le fait pas descendre d'un seul coup, et ils veulent se mêler de ce qui ne les concerne pas, et ils veulent parler de choses dont ils n'ont aucune connaissance. Donc ça, c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux qu'eux qui est apte à transmettre sa révélation, et il connaît mieux qu'eux comment sa révélation doit être révélée et comment le Coran doit être descendu. Hein? Donc le cheikh, il dit ensuite, ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ الْحِكْمَةَ فِي إِنْزَالِ الْقُرْآنِ مُفَرَّقًا وَقَالَ وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il clarifie la sagesse pour laquelle il a fait descendre le Coran en différentes parties. Hein, comme il mentionne dans le verset 32 et 33 dans Surat Al-Furqan, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre. Donc il mentionne, il l'a fait descendre de cette manière pour raffermir ton cœur. Hein, pour qu'on puisse par cela raffermir ton cœur. Hein. Et donc ça c'est une des sagesses. Hein, et donc, ils ne viendront avec une exemple ou une parole, excepté que nous viendrons avec la vérité et une explication meilleure encore. Et il mentionne le verset 106 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également une autre sagesse, ou la raison pour laquelle il a fait descendre le Coran en différentes parties. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. D'accord? Donc ça c'est les raisons, des explications ou des raisons pourquoi le Coran a été révélé de cette manière. Le Cheikh il dit wa aydan li ajli tashil li waqt al amal li waqt al amal bihi walau nuzila al Quran jumlah wahida ما استطاع الناس العمل به وكذلك الله نزله منجما على حسب الوقائع لأجل أن يبين حكم كل نازلة أو كل حادثة هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن مفرقا أو مفرقا. Donc il dit également c'est pour faciliter le temps par rapport à l'application du Coran. Si c'était descendu d'un seul coup, les gens n'auraient peut-être pas pu l'appliquer tout d'un coup comme ça, d'un seul coup. Donc, le fait que ça descende graduellement, eh bien, ça fait en sorte que les gens s'adaptent graduellement. Puis en même temps aussi, il descend selon les différentes situations qui se produisent, les différents événements. Et donc, à chaque fois qu'il y a une situation nouvelle, eh bien, il y a un verdict nouveau qui descend à chaque événement ou dans chaque situation. Et ça, c'est une des sagesses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran par différentes parties et graduellement. Donc, le Cheikh dit wala yakhlu zaman al-an mimman hum ala hadhihi shakila yatadakhaluna fi an-nusus ويقترحون على الله ورسوله أنه لو كان النص كذا أو كان الحديث كذا وكذا ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقترحوا على الله وعلى الرسول عليكم بالإيمان بالله والعمل بما أنزل الله دون الاقتراحات والاعتراضات. Donc, le cheikh, il dit que il n'y a pas d'époque, excepté qu'il y a des gens qui sont comme de cette catégorie-là, des gens qui essaient de s'opposer au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'essayer de décider pour Allah subhanahu wa ta'ala ou de suggérer des choses à Allah. Hein. Comme par exemple aujourd'hui, hein, on sait que la révélation du Coran, elle est terminée, complète. Hein, la révélation est complète et bien entendu les gens savent que le Coran il est révélé maintenant en entier puis complet et la Sunna également. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les textes et puis ils font des propositions ou des suggestions comme ça par rapport au texte. La même chose que les mouchriquins faisaient par rapport au Coran et à la révélation à l'époque, eux certains de ces gens-là qui font partie des gens qui se disent musulmans, eh bien, ils font la même chose, mais par rapport au Coran et par rapport à la Sunna. Donc, ils voient, par exemple, dans le Coran un texte qui ordonne telle ou telle chose, ou qui interdit telle ou telle chose, ou qui dit telle chose, et puis eux ils disent si le texte du Coran était de telle façon, ça aurait été mieux, ou si le hadith était de telle manière, ça aurait été mieux. Et même je suis tombé une fois sur les paroles d'un des hérétiques à notre époque, Allah Musta'an, j'ai oublié son nom en tout cas, il s'est donné un nom en tout cas sur internet, c'est un gars qui vit en France je crois, il est d'origine du Maghreb, mais en tout cas il a mentionné dans un texte qu'il avait écrit par rapport à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala avait mentionné yani le défi qu'il a donné aux mouchriquins de ramener un verset semblable au Coran, et lui il a écrit, il a dit moi je peux ramener un verset meilleur que un verset dans le Coran, et puis il a cité par exemple le verset qui dit wa makaru wa makara Allah wallahu khayrul makirin, hein, le verset qui dit et ils ont comploté et Allah subhanahu wa ta'ala a comploté et Allah est le meilleur des comploteurs. Lui, il a reformulé le verset, et il a dit, voici la façon dont le verset doit être dit, et ça, ce serait meilleur. Et il a cité quelque chose, comment voulant dire, en tout cas, je me souviens plus exactement comment il l'avait dit, mais c'était une parole de kofri, yani, c'était clair et évident. Et donc, yani, c'est pour dire que il y a des gens qui n'ont pas de gêne et qui n'ont pas de honte. Hein. Et il y en a comme ça aujourd'hui, à notre époque, qui sont comme ça. Il y en a qui ressentent une gêne ou une honte devant certains des versets dans le Coran, hein, et ils essaient de les déformer ou de les changer, hein, à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas de compréhension. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas une compréhension correcte de l'islam. Et donc, ils ont un manque de confiance en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et en la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ils ont un complexe parfois d'infériorité vis-à-vis des kuffars parce qu'ils n'ont pas compris non plus les faussetés et l'égarement qui est contenu dans les idées et dans les principes de ces mouchriquines et de ces kuffars aujourd'hui. Et donc ils ne savent pas comment répondre à ce qu'ils disent, et donc au lieu de trouver les erreurs dans les paroles des kuffars, ils cherchent les erreurs ou ils cherchent des erreurs. Et il cherche des choses à changer dans la parole d'Allah et dans la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est souvent le malheur qui se produit. Après le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran, dans le verset 1 dans surat al-Hujurat, ô vous qui avez cru, ne vous placez pas devant Allah et son messager. Ne passez pas devant Allah et son messager. Le cheikh il dit لا تقترحوا على الله وعلى الرسول عليكم بالإيمان والعمل بما أنزل الله دون الاقتراحات والاعتراضات. Donc essayez pas de faire des propositions à Allah et à son messager et de faire des objections, hein, à ce que Allah a révélé, hein. Croyez en Allah et appliquez ce que Allah a révélé. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh il mentionne dans ce point-là. Ensuite il mentionne le point 101. Il dit ihtiqaruhum lilfuqara, le fait que les gens de la jahiliya ils méprisent les pauvres. Et il mentionne le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit izdira'ul fuqara fa'atahum biqawlihi ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Donc attendez, ça c'est le verset 52 dans sourate Al-An'am. Naam. Donc le cheikh il dit qu'il méprise les pauvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran dans le verset 52, ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur cherchant sa face. Donc ça c'est yani un exemple, et le cheikh il dit hadi sabaqa laha nadhir, j'ai parlé de ça, il y a des points précédents qui ont mentionné ça, et c'est le même verset qu'on avait mentionné, je pense, au sujet du peuple de Noé, lorsqu'il voulait chasser les pauvres, en disant, les notables et les riches parmi eux, ils disaient, on ne va pas accepter ta religion ou ton message parce qu'il y a seulement les pauvres qui sont avec toi. Donc, chasse les pauvres et fais qu'ils s'en aillent et nous, par la suite, on pourra accepter ta religion. Donc, il demandait au prophète de chasser les pauvres par mépris pour les pauvres. Et le cheikh, donc, il dit, « هَذِهِ سَبَقَ لَهَا نَظِيرٌ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ اتِّبَعَ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ الْفُقَرَاءِ هم الذين اتبعوهم وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أي الفقراء والذين لا شأن لهم في المجتمع هذا من دين الجاهلية. Donc le cheikh il dit c'est ça, ils voulaient pas suivre les prophètes, يتركون اتباع الأنبياء لأن الفقراء هم الذين اتبعوهم. Donc ils veulent pas suivre les prophètes parce que c'est les pauvres qui les ont suivis. Et ils ont dit, est-ce qu'on va croire en toi alors que ce sont les gens qui sont bas qui t'ont suivi, que ce sont les gens vils qui t'ont suivi, c'est-à-dire les pauvres et les gens qui n'ont aucune importance dans la société, Donc selon eux, ces gens-là ne méritent pas d'avoir le bien ou d'être guidés. Donc il demande au prophète de les chasser. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit au prophète de les chasser. Il ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur cherchant sa face. Leur demander compte ne t'incombe en rien. Et te demander compte ne leur incombe en rien en les repoussant. Donc tu serais du nombre des injustes. Donc ça c'est ce que les mouchriquins souhaiteraient. Et ça, c'est la religion des gens de la Jahiliya. Et à notre époque aujourd'hui, il y a des gens parmi les musulmans qui ont cette attitude-là envers les pauvres. Ils regardent les pauvres avec mépris. Et ils considèrent que ils sont égarés à cause du fait qu'ils sont pauvres. Et ils vont, même parfois dans les pays de Kouf, on retrouve cette catégorie-là de musulmans qui ont fait des hautes études, qui ont bien réussi dans la dunya et qui connaissent le langage des kuffars et qui savent comment leur parler, ils parlent la même langue qu'eux, ils connaissent leur mentalité, alors ils parlent avec eux et quand ils leur parlent à ces kuffars, ils leur parlent en méprisant les pauvres parmi les musulmans ou en méprisant les musulmans qui n'ont pas fait autant d'études qu'eux et qui ne sont pas aussi éduqués qu'eux dans les sciences des kuffars ou dans la langue française ou des choses de ce genre. Et donc on voit ces gens-là par exemple quand ils sont invités par exemple dans des émissions de télévision et qui eux ils sont bien éduqués, ils parlent bien français et ils connaissent les idéologies des koufars et leur mentalité et ils savent comment parler la même façon qu'eux, ils méprisent les musulmans qui n'ont pas justement ce niveau d'études ou ce niveau d'éloquence en langue française et ils les dénigrent et ils les voient plus bas et même parfois ils se moquent d'eux avec les koufars, ils se mettent avec les koufars pour se moquer d'eux. Donc ça c'est une attitude qui fait partie de l'attitude des gens de la jahiliya. Cheikh il dit حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هؤلاء وأن يجلسوا معهم تكبرا فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فلو طردهم عليه الصلاة والسلام لكان من الظالمين. Donc le cheikh il résume tout ce que je viens de vous expliquer et tout ce que j'ai dit. Donc pas besoin de répéter encore une fois puisque c'est exactement ce que j'ai dit auparavant. Ensuite il dit ثم قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم فمن اتبع الحق ولو كان فقيرا فهو الكريم عند الله سبحانه وتعالى وهو الذي يستحق أن يقابل بالمقابلة الحسنة ويفسح له في المجلس وأما من أعرض عن الحق واستكبر عنه فهذا لا يستحق التكريم لأنه هو الذي أهان نفسه فيستحق الإبعاد والإقصاء والهجر. Donc le Cheikh il mentionne la suite des versets qui sont mentionnés par rapport à cette question dans le verset 53 et 54 dans sourate Al-An'am. Il dit « Ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres, c'est-à-dire les riches par les pauvres, ainsi de suite, les forts par les faibles, ainsi de suite. Pour qu'ils disent « Est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous, c'est-à-dire les pauvres, hein? N'est-ce pas Allah qui sait mieux lesquels sont reconnaissants, hein? » Ça rentre aussi dans ce qu'on a mentionné juste tout à l'heure, le point numéro 80, le point numéro 100. Le point numéro 5 qui mentionnait le fait que les kuffars, ils font des suggestions à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est comme s'ils voulaient corriger Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement et dans ses décisions. Donc ils disent, est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous? Comme s'ils doutent le fait que ces gens-là méritent réellement d'être favorisé et d'être guidé entre les hommes. Hein? Donc selon eux, selon ces gens-là, si quelqu'un devait être guidé dans le monde ou dans la dunya, eh ben ça devrait être eux les premiers. Si c'est parce que pour eux, ils sont des gens qui sont favorisés dans la dunya, ils ont la richesse, ils ont le pouvoir, ils ont des positions, donc ils se disent, donc dans ce cas-là, c'est nous les favorisés de Dieu. Donc quelqu'un peut pas être bien guidé, excepté si nous on est bien guidé avant lui. Hein? Il s'imagine que les choses de la foi et les questions de la religion sont régies par les mêmes règles que les règles de la dunya. Hein? Et donc c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ensuite, la suite du verset, le verset 54, et lorsque viennent vers toi ceux qui croient en nos versets, le Coran dit « Que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. » Donc ça c'est les versets qui sont mentionnés. Donc quiconque suit la vérité, même si c'est un pauvre, parce qu'en fait, l'islam, il n'est pas contre les riches. Et l'islam, c'est pas une religion qui est contre la richesse ou contre le fait d'avoir de l'argent. Hein? Quelqu'un qui est riche ou qui a de l'argent parmi les croyants et qui fait du bien avec son argent et qui acquiert son argent de façon halal et bien et juste, donc celui-là, il ne doit pas mépriser ceux qui sont en dessous de lui ou ceux qui n'ont pas la même richesse que lui. Au contraire, hein? Donc, ça, c'est ce que ça signifie. Donc, il dit, donc, celui qui a suivi la vérité, même s'il est pauvre, alors c'est lui qui est le noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et pour Allah. Et c'est lui qui mérite d'être rencontré et d'être reçu de la bonne manière. Et c'est à lui qu'on doit laisser faire de la place dans les assemblées lorsqu'il vient, hein. Mais celui qui s'est détourné de la vérité et qui s'est enflé d'orgueil, alors celui-là ne mérite pas d'être honoré. Hein? Parce qu'il s'est humilié lui-même, il s'est rabaissé lui-même en rejetant la vérité. Et donc, il mérite d'être repoussé, d'être éloigné et de ne pas être fréquenté. D'être boycotté à nu ou il mérite qu'on s'éloigne de lui. Ensuite, le Cheikh il mentionne un autre point qui est le point 102. Ittihamuhum li ahli al-iman fi niyyatihim wa maqasidihim. C'est-à-dire que parmi les caractéristiques des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils ils accusent les croyants, les gens qui ont la foi, ils accusent de ne pas être sincères, ou ils accusent leurs intentions et leurs objectifs. Le cheikh, il mentionne donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Ramyuhum atba'u al-rusul bi'adami l'ikhlas wa talabi d-dunya fa'ajabahum bi'qawlihi ma alayka min hisabihim min shay » Al-aya wa amthaluha. Donc, c'est-à-dire que ils accusent les gens qui ont suivi les messagers de ne pas être sincères et de chercher la dunya. Souvent on remarque ça même encore aujourd'hui de la part des kuffars et de la part de beaucoup d'autres personnes, et même quand on voit par exemple que dans un pays les gens se tournent vers la religion et qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala de leurs péchés, commencent à pratiquer l'islam, la première chose qu'ils font c'est de dire: ah, la raison pourquoi ces musulmans-là commencent à se tourner vers la religion, c'est à cause du chômage, c'est à cause qu'il n'y a pas assez de travail, c'est à cause que les gens n'ont pas tout ce qu'ils veulent, n'ont pas tout ce qu'il faut, donc à cause de ça, ils se tournent vers la religion. Comme si c'était la seule raison, ou bien que c'était la raison pour laquelle ils le font. Donc ils doutent de leur sincérité, en fait, et ils doutent de leur intention, et c'est comme s'ils étaient en train de dire que ils cherchent la dunya par la religion. Donc ça c'est l'exemple. Puis il a mentionné le verset 52 à ce sujet-là dans sourate Al-An'am, encore une fois le verset qu'on a lu tout à l'heure, et la partie du verset qu'il a mentionné c'est la partie où Allah subhanahu wa ta'ala dit: leur demander compte ne t'incombe en rien. Leur demander compte ne t'incombe en rien. On va expliquer donc ce point-là, qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan a dit. Il dit: min a'mal ahl al-jahiliya annahum yarmoun al-fuqara bi annahum ma amanu illa min ajli an yahsulu ala shay'in min matami' ad-dunya. كما قال آل فرعون لموسى عليه السلام وهو وهارون وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقال قوم نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. يرمون الأنبياء بأنهم يريدون الشرف والرئاسة، ويرمون فقراء المؤمنين بأنهم يريدون الغنى والثروة باتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول أو فالله جل وعلا قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا رد عليهم بقولهم في المؤمنين إنهم يريدون الدنيا، والله عز وجل يقول يريدون وجهه، فأثبت لهم الإخلاص. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples des gens de la jahiliya, c'est qu'ils accusent les pauvres qui ont cru, ils les accusent d'avoir cru uniquement pour la dunya, pour arriver à obtenir des biens dans la dunya, comme le peuple de Pharaon. La famille de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa et à Haroun? Ils ont dit, comme Allah le mentionne dans le verset 78 dans Surat Yunus, وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez seulement, c'est avoir le pouvoir sur la terre. Ça c'est un exemple. Et le verset 24 dans Surat Al-Mu'minun, où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les paroles du peuple de Nuh. Ils ont dit: ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum. Ça c'est uniquement un homme comme vous, un être humain comme vous, qui veut se donner des privilèges ou de la préférence sur vous. Il pense que c'était ça l'intention des prophètes. Donc ils accusent des prophètes de vouloir la noblesse et de vouloir le pouvoir, et ils accusent les pauvres parmi les croyants de vouloir la richesse et le luxe et, la, et l'argent, donc, en suivant le messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne chassez pas ceux qui invoquent leur Seigneur, hein, le matin et le soir, et qui veulent son visage. Donc, le cheikh, il dit ici que ça, c'est une réfutation, hein, ça, c'est une réfutation contre ce que ces koufars disent à propos des mu'minines, à propos des croyants, qu'ils veulent uniquement la dunya. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yuriduna wajha. Ils veulent son visage. Ils veulent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent que l'agrément d'Allah. Ils ne veulent rien d'autre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a affirmé al-ikhlas, la pureté d'intention et la sincérité. Pour réfuter, en fait, ce que ces koufars prétendent à propos des croyants. Ensuite, le cheikh il dit kufruhum bi usulil iman, le fait qu'ils ont rejeté les fondements de la foi, et c'est ça, c'est les points 103 à 108, 103, 104, 105, 106, 107, 108, parce que il y a tous les éléments de la foi qui sont mentionnés dans cette partie. Donc, le cheikh il dit al kufru bil malaika, al kufru bil rusul, al kufru bil kutub, الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. Donc ça c'est les points que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne, qui font partie des aspects de la, des gens de la jahiliya, c'est-à-dire qu'ils rejettent la foi en les fondements de la foi en islam. Ils refusent de croire en les fondements de la foi en islam. Donc ils nient la foi en les anges, ils nient la foi en les messagers, ils nient la foi en les livres, ils se détournent de ce que Allah a fait descendre, de ce qui est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils rejettent la foi en le jour dernier et ils traitent la rencontre d'Allah de mensonge. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit kullu hadhihi al-masa'il min umur al-jahiliya fa hum la yu'minuna bil kutub wa la yu'minuna bil rusul ولا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بلقاء الله لأن هذه أمور الغيب وهم لا يؤمنون بالغيب وإنما يؤمن بهذه الأمور من يؤمن بالغيب فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ولهذا أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويدخل في ذلك الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والوحي والإيمان باليوم الآخر كل ذلك يدخل في الإيمان بالغيب والجاهلية لا يؤمنون بالغيب فلذلك يكفرون بهذه الأمور ويكفرون بلقاء الله يوم القيامة. Donc le point ici, le cheikh explique tous ces points là en disant que tous ces points-là font partie des caractéristiques de la jahiliya. Ils ne croient pas en les livres d'Allah que Allah a fait descendre. Ils ne croient pas qu'il y a des révélations écrites. Ils ne croient pas que, hein, qu'il y a des messagers qui sont venus avec des révélations divines de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas en les anges. Ils ne croient pas qu'il y a des anges qui transmettent la révélation ou bien qui ont d'autres tâches parmi les anges. Donc, ils ne croient pas non plus au jour dernier, ils ne croient pas en la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en l'invisible. Ils ne croient pas en qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ghayb. Al-ghayb, c'est de croire en qu'est-ce qu'on ne peut pas voir. Hein, comme de croire en Allah, de croire en les anges, de croire en le jour dernier, tout ce qu'on ne peut pas voir, l'invisible. On appelle ça al-ghayb. Donc, tous ces aspects-là font partie de croire en l'invisible. Donc, étant donné qu'ils ne croient pas en l'invisible, ils ne croient pas en ces choses. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ. C'est uniquement ceux qui croient en le ghayb, en l'invisible, qui croient en ces choses-là. Et c'est pour ça qu'ils ont rejeté la foi en les anges, en les livres, en les messagers, au jour dernier. Et le cheikh dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il glorifie les croyants, ceux qui croient en l'invisible. Hein? Au tout début du Coran, quand tu commences à lire dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghayb. » ويقيمون الصلاة. Donc au tout début dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, il fait l'éloge des croyants, et il dit, c'est une guidance pour les pieux, pour ceux qui craignent Allah, ceux qui croient en l'invisible et qui établissent la salat. Donc, parmi les caractéristiques des croyants, c'est qu'ils croient en al-ghayb, croient en l'invisible. Et donc, la foi, qu'est-ce qui rentre dans la foi en al-ghayb? C'est la foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les livres, la foi en la révélation, la foi au jour, en le jour dernier. Tout ça, ça rentre dans al-iman bil-ghayb. Et les gens de la jahiliya ne croient pas en qu'est-ce qui est ghayb. Hein? Ils ne croient pas en aucune de ces choses-là. Et ils refusent de croire en la rencontre d'Allah au jour de la résurrection. Hein? Beaucoup parmi les kuffars aujourd'hui sont des athées. Ils ne croient qu'en en la matière. Hein? Ils ne croient qu'en la matière ou en qu'est-ce qu'ils peuvent toucher ou sentir ou tout ce qu'ils peuvent connaître par leurs cinq sens. Tout ce qui dépasse leurs cinq sens, ils refusent d'y croire et de l'accepter. Donc ça, c'est l'égarement de ces gens-là. Ça fait partie des caractéristiques de la jahiliya. Et ces caractéristiques-là, elles se retrouvent encore aujourd'hui. Le Cheikh il dit « Takzibuhum li ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul » Le fait qu'ils nient certaines choses qui ont été mentionnées par les messagers. Ça, c'est le point numéro 109. التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Donc, le cheikh il dit qu'il nie certaines des choses que les messagers ont mentionnées. Ou il traite de mensonges certaines choses parmi les choses que les messagers ont données comme information. Et il donne des exemples. Le cheikh Mohammed ibn Wahhab, il dit le fait que, par exemple, il traite certaines choses de mensonges parmi ce que les messagers ont mentionné, comme par exemple... certaines choses que les messagers ont dit au sujet du jour dernier. Donc, par exemple, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. Le verset 105 dans Surat Al-Kahf. Et ceux-là sont ceux qui ont mécru en les signes de leur Seigneur et en sa rencontre. Et parmi les exemples de takzib, hein, le fait qu'ils traitent de mensonges certaines choses, donc il y a Maliki Yawmiddin, il mentionne le verset Maliki Yawmiddin, ils ont traité ça de mensonge. Ça, c'est le verset 4 dans Surat Al-Fatiha. Hein? Ils ne croient pas qu'il y a un jour de la rétribution où Allah subhanahu wa ta'ala va rétribuer chaque homme selon ce qu'il a dit, selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il a cru, ainsi de suite. Et il mentionne également le verset 254 dans Surat Al-Baqarah. La bay'un fihi wa la khullatun. Voilà, Shafa'a, hein, dans le verset 254, c'est-à-dire le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Hein, donc il traite ça de mensonge. Et il mentionne également le verset 86 dans Surat Az-Zukhruf. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, excepté celui qui a témoigné de la vérité. Alors qu'ils savaient, alors qu'ils savent, le Cheikh Al-Fawzan il explique ces versets. Il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرْ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ جُمْلَةً وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَكِنْ يَجْحَدُ بَعْضَ الْأُمُورِ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ كَأَنْ يَجْحَدَ الْحِسَابَ أَوْ وَزْنَ الْأَعْمَالِ أَوْ الْجَنَّةَ أَوْ النَّارَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ جُمْلَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرْ بِبَعْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ فَالَّذِي يَكْفُرُ بِبَعْضِهِ كَالَّذِي يَكْفُرُ بِهِ كُلَّهُ لَا فَرْقَ لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Donc le cheikh il explique, il dit parmi les kuffars il y en a qui, parmi les gens de la jahiliya, il y en a qui rejetaient la foi en le jour dernier au complet, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le jour dernier ils le rejettent, comme le verset 29 dans surat al-an'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, c'est-à-dire ils disent il n'y a que cette vie d'ici-bas pour nous, et donc il nie tout ce qui a rapport avec le jour dernier. Et parmi eux, il y en a qui croient en le jour dernier, de façon générale. Toutefois, ils rejettent et ils nient certaines choses qui vont se produire dans le, au jour dernier. Certains, par exemple, vont nier les comptes qu'on aura à rendre. Certains vont nier les balances qui pèsent les actions. Certains nient le paradis et l'enfer. Et ça, on en retrouve aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui. Et combien de fois j'ai rencontré des juifs et des chrétiens qui disent, par exemple, bon, moi je crois en, par exemple, quelque chose dans l'au-delà, mais je ne crois pas en l'enfer, ou des choses comme ça. Donc ça, ça fait partie de ces caractéristiques-là, des gens comme ça. Hein. Et il y en a d'autres qui croient, donc, en certains aspects, et qui rejettent les autres. Et il y en a qui rejettent tout au complet d'un seul coup. Donc, le cheikh, il dit, celui qui rejette certaines parties, il est exactement pareil que celui qui rejette tout. Le cheikh, il dit, celui qui rejette la foi en certains aspects ou certaines parties de qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection, eh bien, il est comme celui qui rejette tout. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Il n'y a pas de différence entre les deux. Les deux sont des kuffars. Le cheikh dit pourquoi? Parce que celui qui croit en une partie du livre et qui rejette l'autre partie, eh bien, il n'est pas croyant. Hein? Celui qui croit juste en une partie et qui rejette l'autre, il n'est pas croyant. Et il mentionne le verset 103 dans surat Al-Kahf, dans surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont égaré leurs efforts dans cette vie d'ici-bas, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ceux-là sont ceux qui ont mécru en les signes de leur Seigneur et en sa rencontre, alors leurs œuvres ont été rendues vaines et nous leur donnerons aucun poids au jour de la résurrection. Hein? Ça c'est le verset 103 et 105 dans surat Al-Kahf. Et le cheikh il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَذِّبُ بِالْحِسَابِ كَمَا فِي قَوْلِهِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَالدِّينِ هُنَا هُوَ الْحِسَابِ وَهُمْ يَكْذِبُونَ بِهِ وَهُمْ يُكَذِّبُونَ بِهِ. Donc il dit وَبِالْجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ. Donc le cheikh il explique que parmi les koufars également, il y en a qui refusent de croire en le jour de la rétribution au jour dernier, hein, les comptes qu'on a à rendre. Donc, Maliki Yawmiddin, hein, le roi ou le maître du jour de la rétribution, comme dans Surat al-Fatiha, donc ça c'est le jour des comptes, et certains parmi eux, ils rejettent ça, ils ne croient pas en ça. والجزاء على الأعمال يكوّب أن لا rétribution pour les actions. وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم, هذا اليوم هو يوم الدين, من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. donc يعني justement, le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 254: Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour. Le jour en question, c'est le jour de la rétribution. Hein? Il dit le jour de la rétribution où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession, Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ عَمَلٌ صَالِحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُ لَا حِيلَةَ لَكَ في ذلك اليوم من في النجاة فلا تجد أعمالا تباع فتشتريها كما يشتري الإنسان الحوائج في الدنيا ولا خلة فإذا لم تجد أحدا يبيع لك في الدنيا فيمكن أن يكون لك صديق تذهب إليه فيعطيك مما عنده ولكن لا توجد خلة يوم القيامة ولن ينفعك أحد ولو كان صديقك ولكن ربما يشفع لك أحد ويتوسط لك كما في الدنيا وهذا أمر غير موجود يوم القيامة ولا شفاعة. Donc le cheikh explique le verset en détail. Il dit que si tu n'as pas de bonnes œuvres au jour de la résurrection, alors il n'y a aucun moyen par lequel tu peux en recevoir au jour de la résurrection. Donc tu ne peux pas en acheter à quelqu'un ce jour-là, comme tu peux acheter dans la dunya quand tu as besoin de quelque chose. Au jour de la résurrection, il n'y a pas ça. Voilà khulla. Al-khulla, c'est quoi? C'est l'amitié. Donc, le cheikh dit, si tu ne trouves pas par exemple quelqu'un pour t'en vendre des bonnes œuvres, comme tu peux acheter dans la dunya, alors peut-être que dans la dunya, quand tu n'as pas d'argent, tu peux demander à ton ami, il va te prêter de l'argent. Ou bien il va te donner qu'est-ce que tu veux. Il va te donner un peu de qu'est-ce qu'il possède. Mais au jour de la résurrection, il n'y a pas d'amitié. Au jour de la résurrection, il n'y a pas d'amitié entre les hommes. Tout le monde est individuel ce jour-là. Personne ne peut rien faire pour quelqu'un. Personne ne peut rien faire pour un autre. Donc le cheikh dit, donc s'il n'y a pas de vente et d'achat, s'il n'y a pas d'amitié qui peut t'aider ce jour-là, alors il dit peut-être qu'il y aurait de quelqu'un pourrait intercéder en ta faveur, comme les choses se produisent comme ça dans la dunya. Et ça aussi, ça n'existe pas au jour de la résurrection. Il dit voilà shafa'a, c'est-à-dire il n'y a pas d'intercession dans le sens que il n'y a pas d'intercession acceptée par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce jour-là, il n'y a rien qui pourra te venir en aide, excepté tes bonnes œuvres. إذ تقطعت عنك كل وسائل يوم القيامة وليس لك حيلة إلا إذا كان معك عمل صالح قدمته لنفسك وأعظم ذلك التوحيد والسلامة من الشرك ولذلك قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله في الدنيا ومات عليها ولا يكفي أن يقول لا إله إلا الله بل لا بد أن يعلم معناها ولذلك قال وهم يعلمون فلا يكفي مجرد اللفظ من غير فهم للمعنى ولا يكفي اللفظ ومعرفة المعنى بدون العمل بمقتضاها ولأن العلم وسيلة للعمل فإذا لم يكن مع العلم عمل فلن تنفعك لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit que donc ce jour-là, au jour de la résurrection, tous les moyens sont coupés pour toi, si tu n'as pas fait des bonnes œuvres. Tu ne peux pas acheter des bonnes œuvres. Il n'y a personne qui peut te prêter ou te donner des bonnes œuvres pour t'aider ce jour-là. Donc, la seule chose qui peut t'aider, c'est d'avoir des bonnes œuvres que tu as faites pour toi-même quand tu étais dans la dunya. Et parmi les meilleures choses qui entrent là-dedans, c'est bien entendu le tawhid, l'unicité d'Allah et d'être exempté de toute forme de shirk. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 86 dans surat Az-Zukhruf, le cheikh il a mentionné ces versets-là un après l'autre, parce qu'il y a une suite logique dans l'ordre dans laquelle il les a mentionnés. Il dit وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possède pas l'intercession, excepté celui qui a témoigné de la vérité alors qu'il savait, alors qu'ils savent. Donc, il a témoigné de la vérité, c'est-à-dire qu'il a dit « La ilaha illallah » dans la dunya. Et il est mort sur ça. Donc, c'est pas suffisant de juste dire « La ilaha illallah ». Mais, bien entendu, il faut qu'il connaisse la signification de cette parole. Et c'est pour ça que, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite « Wahum ya'lamun » et ils savent. C'est-à-dire, ils ne font pas juste prononcer la parole « La ilaha illallah » sans comprendre la signification. Et non plus, ils ne font pas juste prononcer la parole et en connaissant sa signification, sans l'appliquer en action, sans le mettre en action, la ilaha illallah. C'est-à-dire, ils vont pas dire la ilaha illallah et comprendre ce que ça signifie, puis par la suite continuer à faire le shirk. Donc, il dit le shirk que la science, la connaissance, c'est un moyen pour l'application, un moyen d'arriver à pratiquer et appliquer. Mais si avec la connaissance, il n'y a pas l'action, alors dans ce cas-là, le fait de dire « La ilaha illallah », ça ne peut pas te venir en aide. Si tu dis « Il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah », mais que tu adores d'autres en dehors d'Allah, alors dans ce cas-là, ça ne peut pas te venir en aide. Et il y a un dernier point qu'on va faire aujourd'hui, puis on va s'arrêter après. C'est le point numéro 110. اعتداؤهم على دعاة الحق le fait qu'ils transgressent contre les gens qui appellent à la vérité et il mentionne قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس c'est-à-dire qu'ils tuent ceux parmi les hommes qui appellent à la justice parmi les hommes ils tuent ceux qui appellent à la justice parmi les hommes. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit min jumlati a'mal al-yahud al-qabiha qatl al-anbiya wa qatl ad-du'at ila Allah kama qala ta'ala innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil-qist min an-nas fabashshirhum bi'adhabin alim wa kadhalika man qama fi wajhi al-haqq wa sadda 'an sabilillah وقتل الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فإن الآية الكريمة تتناوله لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية فيكون حكمه حكمهم فيكون حكمه حكمهم. Donc le Cheikh il dit parmi les exemples des actions des gens de qu'on appelle les Yahoud, les Juifs, parmi leurs mauvaises actions, les actions qu'ils font qui sont laides, que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, le fait qu'ils tuent les prophètes. Donc les juifs, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils tuaient les prophètes et également ils tuent les gens qui appellent à Allah, qui font la da'wah. Donc ça c'est le verset 21 dans surat Al-Imran. Soit ils les tuent ou bien ils leur donnent des problèmes. Comme on va voir le cheikh qu'est-ce qu'il dit. Donc il mentionne le verset 21 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux qui ont mécru en les signes d'Allah et qui tuent les prophètes injustement et qui tuent ceux qui ordonnent la justice parmi les hommes, alors annoncez-leur un châtiment douloureux. » Ce n'est pas comme les koufars aujourd'hui qui pensent qu'ils appellent à la justice alors qu'ils sont en train d'appeler à l'injustice et au kufr et à l'égarement. Par exemple, ils appellent au droit des homosexuels pour se marier, ou bien qu'ils appellent par exemple au droit par exemple de la femme de se marier avec une femme, ou à la femme de par exemple de faire comme les hommes et de devenir un homme, ou de marcher nu dans la rue, ou des trucs de ce genre, ou qui se bat pour la démocratie ou pour la liberté, les droits de l'homme. Eux, ils se combattent pour ça et ils pensent que ça c'est le combat pour la justice et pour la liberté, alors que ça c'est le contraire en fait. On parle ici des gens qui suivent l'exemple des prophètes et qui appellent à Allah et qui appellent les hommes à obéir à Allah. Quand eux ils appellent à la justice qui est dans la révélation d'Allah, et bien c'est ça ce qu'ils font, ils les tuent et ils leur donnent des problèmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit annoncez-leur qu'ils auront un châtiment douloureux. Donc, le cheikh, il dit, de même que celui qui se tient devant la vérité et qui obstrue le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui tue les gens qui appellent à Allah, et qui ordonnent le bien, et qui interdisent le mal, qui interdit le mal. Donc, le verset comprend également ceux-là. Hein, donc, ce n'est pas juste ceux qui les tuent, les prophètes, et ceux qui appellent à Allah, mais aussi ceux qui se tiennent dans le chemin de la vérité et qui font tout pour stopper la vérité, hein, ou qui veulent donner des difficultés aux gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, hein. Donc tout ça, ça fait partie de ça, et donc ça, tout ça c'est inclus dans le verset, et ça, ça fait partie des gens qui suivent la, les gens de la Jahiliyyah, et donc ils auront le même verdict que les gens de la Jahiliyyah dans ce cas-là. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, et yani, on va s'arrêter ici donc pour aujourd'hui, et on continuera, on va, en fait, qu'est-ce que je vais faire Inch'Allah, je ne sais pas si ce sera possible demain, ce ne sera pas possible, mais peut-être mercredi Inch'Allah, on va faire exceptionnellement un autre cours, parce que je n'ai pas pu faire les cours en fin de semaine, le samedi et dimanche, comme on fait d'habitude, parce que il y avait le séminaire des sœurs de Aix en Provence, donc on n'a pas pu faire les cours de samedi et dimanche de Masail al-Jahiliya. Donc le cours d'aujourd'hui, c'était pour remplacer samedi. Et mercredi, Inch'Allah, on va essayer de faire un autre cours si c'est possible. Si c'est pas possible de le faire mercredi, on le fera jeudi. Parce que les cours en fin de semaine prochaine vont être suspendus jusqu'à la fin du mois de mai, Inch'Allah, parce que je dois voyager. Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire le cours durant la semaine, soit mercredi ou jeudi, Inch'Allah. Puis ce sera le dernier cours, le cours 30. Ce sera le dernier cours. Le cours 30, c'est la fin de la dernière partie du livre qu'on va faire, Inch'Allah. Puis on se retrouvera par la suite au mois de juin, bi'iznillah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.